vide dans ma poche, puis en continuant ma chanson, je repartis sur mes galoches. Arrivé à l'aube de l'eau, je regardais ma belle trouvaille, mais comme je ne suis pas idiot, j'ai bien vu que c'était la paille. Thank you.